Je sais pas, j'avance, et ouais, je sais où je vais. Et ouais, je sais où je vais. Et ouais, je sais où je vais. Je trimballe tout dans mon sang, je sais où je vais. Rien à foutre, coup, t'es pas fourré. Je l'ai bougé, je l'ai soulevé. Devant moi, y'a pas de danger. Débarque tout seul comme une marmite. La douille dans la marmite, fais la genre à marmite. J'suis trop sincère comme un papy. Et puis tant pis, rien à foutre, tu sois pas ravi. C'est le monopole à mon avis. Lons en métropole ici. Tu vas y'a dans la métropole. Tu vas y'a dans la métropole. Comme des zombies dans la métropole. Les dans la sa mère, jusqu'à dans ma tombe. Je pense, il fait pas la merde, abîme pas ma trompe. Toi tu penses pour tes problèmes, toi tu rappes pour un sac. Yeah. Je fais un poème sur la trappe. Yeah. Pas la chine, wow. Yeah. Par toi si t'es triste, wow. Par moi si t'es cap. Dans sa fente on fait du ski. Sur ses photos, fais la star. Fais son mec, yeah. Fais son mec, yeah. Tiens pas dans son sang, dans son sang. Tu vois les titans, on se bat pour les déviants. Bah, Nina, j'ai cassé un tas sur le divan, puis j'ai tapoté le bobo de ma tantine. J'ai réglé ma fréquence sur zéro, Robux ne vaut pas un sens. J'étais mes vacances, j'suis fondé comme si j'avais tapé de la mort. Tu vas y'a dans la métropole. Tu vas y'a dans la métropole. Comme des zombies dans la métropole. Gagne, je suis sur le banc, je suis le coach. Comme Robert Nazarene, j'ai aperçu ta rébellion, mais personne nous arrête. Cagame, la chaîne grince. Consomme que le cringe, j'ai perdu mon cash, je me sens comme dans Stranger Things, la caca, la salade, j'en fais de la marmelade, je colle le bas, coup d'arrêt de faire le post-pad, t'es limité, pour nous t'es invisible, je roule en punto, je roule des missiles, tu colles, nous on le fait à domicile, SOS sur SOS à tous mes cas des îles, je suis pété devant Netflix, pas la serrouille, ils aiment palper les couilles, c'est des PD live league. Tu vas y'a dans la métropole. Tu vas y'a dans la métropole. Comme des zombies dans la métropole. Les autres dans la métropole.